Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 15e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de nous interroger sur la nécessité de se battre dans la vie. Fadjet, les ondes positives. Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. Nous glisse dans un sourire plein de mystère le maître et sage chinois Lao Tzu. Lao Tzu, allez-vous me dire, le même qui est auteur du célébrissime Art de la guerre? Eh bien oui. Aussi, peut-être est-ce là la quintessence de son enseignement. La véritable victoire n'est jamais le fruit d'un affrontement. Mais où alors aller la chercher? Et est-ce réellement toujours possible? Mère Teresa elle-même le disait pourtant, la vie est un combat, accepte-le. Il y a dans l'étymologie du mot combat la nécessité d'une dualité, du latin cum qui signifie avec et de batuere qui signifie frapper, le combat est donc l'opposition violente entre deux adversaires. Corneille le résume en ces quelques mots, et le combat c'est ça, faute de combattant. Mais alors, comment expliquer que nous ayons parfois l'illusion d'un combat à mener qui, en réalité, n'existe pas? Comme cela fut le cas du célèbre Don Quichotte de Cervantes, qui était prêt à livrer bataille contre des moulins à vent. Alors, comment se rendre compte de la légitimité et de la nécessité de notre combat? Par ailleurs, Emily Dickinson l'avouait elle-même, « Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre avec les flots ». N'y a-t-il pas dans notre ADN inscrit quelque part cette volonté de lutter, peu importe contre quoi et pour quelle raison? Ne serait-ce pas la raison elle-même de notre présence sur cette planète et ce qui a permis à l'humanité de se frayer un chemin à travers les couloirs des siècles du temps? Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un écrivain français, également aviateur, durant la Seconde Guerre mondiale. Cette voix, c'est celle de Romain Gary, dans son roman « La promesse de l'aube ». Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus haut le défi d'être un homme. Lorsqu'il s'agit de tuer mes semblables, je ne suis pas assez poète. Nous étions alors tous au fond du trou. Je ne dis pas de l'abîme parce que j'ai appris depuis que l'abîme n'a pas de fond. Et que nous pouvons tous y battre des records de profondeur sans jamais épuiser les possibilités de cette intéressante institution. Un artiste véritable ne se laisse pas vaincre par son matériau, il cherche à imposer son inspiration à la matière brute, essaye de donner au magma une forme, un sens, une expression. La vie est pavée d'occasions perdues, j'ai gagné beaucoup de batailles dans ma vie, mais j'ai mis beaucoup de temps à me faire à l'idée qu'on a beau gagner des batailles, on ne peut pas gagner la guerre. Le combat est une réponse ancestrale inscrite dans nos gènes et dans notre conscience universelle. Cette impulsion physique nous ramène à des millénaires en arrière où le danger était bien réel et s'avérait souvent mortel. Comme chaque espèce vivante, notre instinct de survie nous pousse à faire un choix entre trois attitudes face à une attaque. Contre-attaquer, fuir ou faire le mort. Le fameux « fight, fly or fright ». Aujourd'hui, les attaques et les menaces sont d'une toute autre nature. Les prédateurs, prêts à nous sauter dessus pour nous dévorer, se sont transformés en patrons tyranniques, en deadlines stressantes, en protocoles sociaux qui nous valident auprès des autres, etc. Cependant, le message envoyé à notre cerveau reste le même et surtout est envoyé avec la même intensité. Aussi parfois, nous arrive-t-il de surréagir par rapport à la hauteur de la situation que nous vivons. Bataille. Comment ne pas mourir de chagrin si l'on la perd et de joie si l'on la gagne? Nous murmure Charles-Joseph de Ligne. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de combattre. Laissez-moi vous raconter. Les ondes positives sur Fadjet. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction le Japon des samouraïs. Le célèbre maître traversait le lac Biwa sur un radeau avec d'autres voyageurs. Parmi eux, il y avait un samouraï extrêmement prétentieux, qui n'arrêtait pas de vanter ses exploits et sa maîtrise au sabre. À l'écouter, il était le champion de toute catégorie de tout le Japon, ce que les voyageurs semblaient croire au vu de leur regard goguenard où se mêlaient admiration et crainte. Le maître ne s'en préoccupa donc pas, ce qui finit par vexer le samouraï qui voyait bien l'attention du maître se concentrer ailleurs. Il lui dit « Toi aussi tu portes une paire de sabres, si tu es samouraï, pourquoi ne dis-tu pas un mot ?» Le maître répondit « Je ne suis pas concerné par tes propos, mon art est différent du tien. Il consiste non pas à vaincre les autres, mais à ne pas être vaincu. » Le samouraï se gratta le crâne de perplexité et demanda « Mais alors quelle est ton école ?»« C'est l'école du combat sans armes. » »« Mais dans ce cas, pourquoi portes-tu des armes ?»« Cela me demande de rester maître de moi, pour ne pas répondre aux provocations. C'est un sacré défi. » Exaspéré, le samouraï demanda « Et tu penses vraiment pouvoir combattre avec moi sans sabre ?»« Pourquoi pas ? Il est même possible que je gagne, » répondit le maître. Hors de lui, le samouraï cria aux passeurs de ramer vers le rivage le plus proche. Mais le maître suggéra qu'il serait préférable d'aller sur une île, loin de toute habitation, pour ne pas provoquer d'attroupement et être tranquille. Le samouraï accepta. Quand le radeau atteignit une île inhabitée, le samouraï, impatient d'en découdre, sauta à terre. Il dégaina son sabre, prêt à combattre. Le maître enleva soigneusement ses deux sabres, les tendit aux passeurs et s'éloigna pour sauter à terre. Quand soudain, il saisit la perche du batelier, puis dégagea rapidement le radeau de la berge pour le pousser dans le courant. Le maître se retourna alors vers le samouraï qui gesticulait sur une île déserte et lui cria « Tu vois, c'est cela vaincre sans armes ». N'est-ce pas Margaret Thatcher qui disait « Vous pouvez avoir à livrer la même bataille, plus d'une fois pour la gagner ». Pour finir, laissons le mot de la fin à Paolo Coelho. Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Allez, petit exercice. Imaginez un terrain de bataille comme un ring de boxe. Visualisez-vous en posture du combattant et laissez venir votre adversaire. Étrangement, vous le connaissez, c'est vous. Comme l'a dit le Dalai Lama, on peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même, lui seul, est le plus noble des conquérants. Prenez conscience qu'à chaque fois que vous rentrez en guerre, vous êtes en guerre contre une partie de vous-même, et tant que vous vous affronterez vous-même au travers du prisme de l'autre, vous ne remporterez jamais la victoire de la vie. À présent, à chacune de vos batailles, unissez-vous à vous-même et menez un combat pour vous, et plus contre les autres et vous-même. Voilà, maintenant que nous avons appris à combattre, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à découvrir notre relation à la mer. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.